Je suis en ville. La circulation est plutôt fluide. Le véhicule des pompiers est en intervention urgente. Ses gyrophares bleus clignotent et ses avertisseurs sonores fonctionnent. Il circule dans la voie de gauche et pour le moment, rien ne freine sa progression. Je dois faciliter sa progression, donc je n'accélère surtout pas et freiner n'est pas nécessaire dans ce cas. Je garde mon allure et un œil sur les véhicules qui me précèdent pour me préparer à toute éventualité. Réponse B.